so big bang. La paix, masse, S, kamikaze. C'est sincère, on a laissé les pistes. Mon cœur pleure comme après une journée. Aller chez les vitres, le moral en friche. Même si je garde l'est, j'hésite pas à mettre des chaussettes trouées dans mes baskets, just do it. Les draps quand je peux, moi j'évite. Un négro qui se relève de 9 balles, ça existe que chez G-Unit. À travers le hublot, je guette un réel perturbé. Avoir le pouvoir et se faire du blé. La vie un crash test, on passe la cinquième, on passe faire doubler. Et je mets le mic sous la gorge à Marianne. Est-ce qu'elle va changer ma vie si elle marche la fusée Ariane? La télé m'a fait mentir grâce à Roselmack. Le peuple roule du cul et Sarkozy qui fait le Mac. Y'a plus de quoi kiffer, les rêves se brisent. Petite baisse dans une piscine et tu feras partie du showbiz. Tu vois de quoi j'ai l'air, les flics ont crié main en l'air. Mais je lutte avant que la faucheuse me foute en l'air. Ce monde est illusoire, boy, mais c'est soit je me suicide. C'est vrai qu'on a que l'air. Ce monde est illusoire, je rêve de mirage. Mais c'est le néant qui vient monter le soir. Les belles fins c'est dans les contes et c'est cool si tu lis. On cherche l'oasis dans une canette de 50 centilitres. C'est vrai qu'on a que dalle en soi. Ce monde est illusoire, je rêve de mirage. Mais c'est le néant qui vient monter le soir. Les belles fins c'est dans les contes et c'est cool si tu lis. On cherche l'oasis dans une canette de 50 centilitres. Ce monde est illusoire, il est rempli gros d'absurdités. J'écoute plus les gens, je suis touché par la surdité. Aveuglé, ébloui, wesh mon vieux par la compassion. Les gens bien trop crédules n'auront toujours rien comme passion. Je tire la chasse sur les infos, gros qui squattent dans les médias. Il faudrait que ça change, mobilisons-nous dans l'immédiat. On s'en sort, sortir, pareil qu'il y aurait que les études. Mais la putain de réalité est touchée par la lassitude. Aujourd'hui j'ai le privilège de me réorienter, ouais je te l'affirme. Je suis dans la maçonnerie, j'essaie de construire mon avenir. Sous pique Balthazar, t'as pas le mental à Gérard Ma. Jacques toi j'ai rarement vu le bon karma. Nous côte côte aux côtés pour nous aider à y voir plus clair. La vie un président qui aurait dit qu'il y aurait plus de guerre. Un train en cache souvent, un deuxième sous une rail de coke. On verrait mieux la vie, je décolle, je préfère changer de déco. Hey yo, c'est vrai qu'on a que dalle en soi. Ce monde est illusoire, je rêve de mirage. Mais c'est le néant qui vient monter le soir. Les belles fins c'est dans les contes et c'est cool si tu lis. On cherche l'oasis dans une canette de 50 centilitres. C'est vrai qu'on a que dalle en soi. Ce monde est illusoire, je rêve de mirage. Mais c'est le néant qui vient monter le soir. Les belles fins c'est dans les contes et c'est cool si tu lis. On cherche l'oasis dans une canette de 50 centilitres. On vient voir plus loin que le bout de notre nez. Donc on se fait les filles, je m'en charge les scénars. Moi je veux pas de ces images qui défilent. En garde dans une routine, gros toujours face au proc. J'ai retrouvé la vue dans le rap grâce à Vaznero. Moi je veux mes gros crocs, mais je suis rattaché au truc que j'ai au froc. Le réel est honnête, alors que ces putains de rêves nous escroquent. Je laisse le troc, c'est pas comme ça que je serais plein trop gros. Quel fruit défendu, on oublie qu'il a des pépins. La France de Pétain a divorcé de Claudia Schiffer. Pareil que les Didi seraient morts qu'à cause d'un chauffeur. J'ai plus quoi y faire, j'ai peur pour la rétine de nos petits frères. Les anges font la gueule face au sourire jaune de Lucifer. Laisse-toi faire serait le slogan pour 2007. J'avoue, je vois flou, même sans boire de verre de mi-sec. Ce monde est illusoire, nous on préfère fermer les pupilles. C'est préférable, gros, tant qu'on aura rien sous les papilles. Hey yo, c'est vrai qu'on a que dalle en soi. Ce monde est illusoire, je rêve de mirage. Mais c'est le néant qui vient monter le soir. Les belles fins, c'est dans les contes et c'est cool si tu lis. On cherche l'oasis dans une canette de 50 centilitres. C'est vrai qu'on a que dalle en soi. Ce monde est illusoire, je rêve de mirage. Mais c'est le néant qui vient monter le soir. Les belles fins, c'est dans les contes et c'est cool si tu lis. On cherche l'oasis dans une canette de 50 centilitres. De 50 centilitres. De 50 centilitres.